Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Alors bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. Ben oui, écoutez, chaque semaine apporte son lot de plaisir, ma foi. C'est comme ça. Trump se fait dire non par la Cour. C'est déjà rassurant un peu. Et il s'offusque du fait que l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis limite le pouvoir du président. Ah ben tiens donc, si t'avais fini l'école primaire, t'aurais su. C'est ce dont se vantent surtout d'ailleurs les États-Unis, hein, sa capacité de se prémunir des dérapages d'un fou. Mais en même temps, le système aurait dû bloquer Trump dès les étapes des grands électeurs, l'étape des grands électeurs, mais ils l'ont pas fait. L'histoire américaine est pourtant jonchée de ces exemples où on fait le mauvais choix pour favoriser les industriels les plus fortunés. Reagan avait dit non à Gorbatchev, qui lui demandait de mettre fin au programme antimissile appelé Star Wars à l'époque parce que la pression du lobby était trop forte. Le belliqueux Harry Truman voulait bombarder et menacer de bombarder à peu près tout le monde parce que ceux qui l'avaient amené là voulaient élargir les tentacules militaires de leur pays. Nixon était aussi un fanatique du bombardement et de pays sans défense, idéalement. Clinton a fait de la guerre pour faire de l'argent. W. Bush a transformé un surplus énorme en un gigantesque déficit et la pire dette de l'histoire pour faire de l'argent à Dick Cheney et au lobby militaro-industriel, etc., etc., etc. Et les États-Unis sont, je vous le rappelle, le premier vendeur mondial d'armes. Alors c'est l'argent qui mène tout. Faut en faire plus. Toujours plus. Et pendant ce temps, ben, chez nous, on découvre qu'en étant grossier, respectueux et déplacé, ben, on peut juste dire qu'on fait des tentatives de socialisation maladroite pour espérer s'en sortir. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Bienvenue à Econophile. Chanson de l'immigrant qu'on entend, n'est-ce pas? Vous voulez nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, sur le blog, ben on est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, bien entendu. facebook.com/econophile891. Et puis, ben vous trouvez le blog de l'émission sous le bandeau. On voit le bouton « En savoir davantage ». Vous cliquez, vous vous retrouvez sur le blog. Vous pouvez lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence aussi du livre en question, si jamais vous pouvez faire ce que Trump ne peut pas faire, c'est-à-dire lire. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions, ainsi qu'à la totalité de nos émissions, dans la section « Émissions ». Ah oui, je trouve l'actualité, ma foi, fort nourrissante. Il n'y a pas à douter de ça. Alors, bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour David. Alors Jean-Claude, cette semaine, on s'attaque à un ouvrage, c'est intéressant, la thématique est très intéressante et importante, « Ces riches qui ne paient pas d'impôts », de la fiscaliste Brigitte Alpin. C'est un ouvrage qui risque d'être difficile à trouver, je pense, par exemple, parce que ça date de 2004, ça fait un petit bout. c'était bon de le lire, peut-être pour se rappeler ce que font ou ont fait certains de ceux qu'on connaît d'ailleurs beaucoup, hein, les Chagnon, Bronfman, Cogeco, Québécois Astral, bon, les Pense, Alcan, Molson. Donc, il y en a du monde, incluant des groupes religieux. C'est peut-être l'intérêt en partie, mais c'est peut-être aussi l'aspect explicatif, Jean-Claude? Oui, bien effectivement, peut-être parce que oui, les noms qui sont cités dans le livre, ça date déjà de quelques années, quoique certains sont encore actifs. Oui, tout à fait. Mais c'est un problème probablement de, je voudrais pas dire éternel, mais c'est un problème de tous les temps. Donc, la question qui est posée finalement, c'est qu'on trouve un peu, disons, illégal, pas illégal, mais immoral, oui, que certaines personnes qui ont plus d'argent, qui ont des grands revenus, qui ont des grands capitaux, ne payent pas leur juste part d'impôts. En tout cas, c'est ce qu'on estime. Et ils le font en profitant soit de paradis fiscaux, soit d'échappatoires fiscaux qui peuvent être parfaitement légaux, mais peut-être quand même, encore une fois, illégitimes ou immorales. Effectivement. Donc, un livre dont les données sont pas à jour, comme on a dit, mais c'est surtout pour mettre le nez dans un livre qui est écrit simplement pour parler de questions qui sont souvent beaucoup plus complexes, d'ailleurs, et qui sont traitées à l'abri des regards indiscrets un peu trop souvent. Donc, parfois, ça fait rager un peu de le lire, oui, effectivement. Puis, parler de ce qu'on peut faire une fois que c'est dit, ça demeure aussi intéressant. Et on va aborder aujourd'hui les solutions. On va pas juste dire c'est triste, c'est plate. On va aussi parler de ce qui est peut-être possible de faire. Et j'ai pour vous une entrevue que j'ai réalisée avec l'auteur du livre, Brigitte Alpin, au cours de l'émission. Alors, bonne émission! Moi, c'est un peu ça. Donc, ces riches qui ne paient pas d'impôts, il y en a plusieurs et ça nous coûte beaucoup, collectivement, énormément aussi. Bon. Et en introduction, c'est plutôt amusant parce que l'auteur cite un personnage qui a lui-même été critiqué pour ses pratiques fiscales. Elle le cite comme suit. Il faut absolument que... Oui, un petit peu, ça prend le ton de voix. Il faut absolument que les Canadiens aient confiance au régime fiscal. Ils ont le droit de demander que tout le monde paie sa juste part d'impôts. Et c'est signé Paul Martin. Alors, d'entrée de jeu dans son livre, c'est assez particulier. Brigitte Alpin dit être motivée par la vérité et la justice. Et pour écrire à propos de ceux qui sont de coquins financiers, elle explique qu'elle n'a pas eu besoin de faire la police. Les données sont accessibles bien souvent. En tout cas, elle est partie de ce qu'elle pouvait réussir à ramasser et à poser des questions parfois aussi au ministère. Elle a juste donc pris la peine de prendre tout ça et de nous l'expliquer, c'est tout. Façon de nous dire aussi, d'ailleurs, si on voulait savoir ce qui se passe pour vrai, ben dans le fond, ben on pourrait. Hein? C'est un peu ça aussi. Et son livre sert à expliquer dans un langage simple, facile à comprendre, comment sont faites les manœuvres, il le dit comme ça, les manœuvres des riches Canadiens pour ne pas payer d'impôts et comprendre l'iniquité fiscale qui en résulte. Donc, l'objectif ultime, c'est que les gens ressentent le besoin pressant d'apporter des changements au système fiscal. C'est sûr qu'une fois lu, c'est plutôt bien réussi, ça donne envie. Elle donne plusieurs exemples, dont celui d'André Chagnon, un des hommes d'affaires les plus prospères et connus, effectivement, tout le monde le connaît. Elle dit que c'est un magicien. Alors, juste pour vous donner une petite idée, elle écrit ceci. André Chagnon est-il un magicien? On serait porté à croire que M. André Chagnon, fondateur de Vidéotron, est un magicien. En effet, il a investi initialement une somme de 100 000 $ dans une entreprise, somme qui, environ 30 ans plus tard, s'est multipliée par 20 000, lui permettant de retirer 1,84 milliard de dollars. Mais comment a-t-il fait pour réaliser un tel tour de force? En fait, malgré un bon sens des affaires, la réussite d'André Chagnon n'a rien de magique. Elle provient surtout de l'aide des autorités fiscales, de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et d'autres organismes gouvernementaux. Le gouvernement est même allé jusqu'à modifier ses propres lois fiscales afin de lui permettre de bien arranger ses affaires. En fait, nous sommes ici en présence d'un empire québécois qui s'est bâti grâce aux fonds publics. Si vous et moi tentions d'obtenir une aide quelconque, aussi minime soit-elle, pour démarrer une petite entreprise, on exigerait de nous un solide plan d'affaires, des garanties personnelles, des endosseurs, bref, on nous imposerait de multiples obligations qui en décourageraient plusieurs. André Chagnon, lui, n'a pas abandonné, ce qui est tout à son honneur. Alors, ça vous donne vraiment une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. Et son livre, bon, je le disais en introduction, date de quelques années, oui, mais je lui ai quand même demandé en entrevue où elle en était par rapport à cet ouvrage, puisqu'il date un peu, 13 ans quand même. Et c'est intéressant parce que, 13 ans plus tard, on en sait un peu plus, mais on n'a pas tellement agi plus, finalement. Il y avait l'eau, pas l'eau. Si on faisait le tour de la planète, là, il n'y avait pas, on avait peut-être une douzaine de personnes, mais il n'y avait pas beaucoup, là. Donc, aujourd'hui, c'est des milliers de personnes, je sais pas combien qu'il y a de nouvelles personnes qui s'intéressent et qui écrivent sur la cause de la justice fiscale à chaque année. Donc, mais pour mettre en place des solutions, puis se promener au niveau international, puis faire des réunions avec les plus grands joueurs, puis influencer des ministres dans leur façon de parler, influencer des dirigeants de multinationales à leur vendre l'idée que ça va être plus payant à long terme de payer leur juste part d'impôts que de faire des petites planifications imbéciles aujourd'hui, là. Ça, là, pour moi, ça, c'est extrêmement difficile. C'est tellement épuisant. C'est incroyable. J'ai jamais cru que ça pouvait être épuisant comme ça. Mais c'est nécessaire. Ça, je suis dans une autre époque où il y a très peu de personnes qui font ça. Et je pense que si je veux donner le meilleur de moi-même, c'est à ce niveau-là que je faut que je le donne. Aujourd'hui, j'écrirais pas ce même genre de livre-là. Pas parce qu'il n'y a pas d'histoire, il y a encore même plus d'histoires sur la place publique. De ça, c'était les premières histoires qui ont sorti, mais il y en a eu d'autres après, évidemment, on les connaît. J'écrirai pas ce genre de livre-là à nouveau parce que je trouve que on n'est plus à l'étape. Les gens, d'ailleurs, dans le chapitre que vous avez lu, je dis ce n'est plus un mythe. On le sait que ça existe maintenant, des multinationales puis des contribuables milliardaires qui paient peu ou pas d'impôts. On le sait, là. On peut se donner d'autres exemples si on veut, mais on le sait, là. Donc, je trouve que mon énergie aujourd'hui, si je crois vraiment à la cause de la justice fiscale, de l'équité fiscale, si je crois vraiment que les gens doivent payer leur juste part d'impôt, mon énergie aujourd'hui, je dois l'investir en mode solution. C'est sûr que d'informer les gens de ces grands scandales-là, c'est important, mais pour moi, je veux être plus en mode solution. Alors voilà pour cette intro, un petit problème technique. Je me suis dit, ça y est, Jean-Claude, il y a un complot. On veut pas, on veut pas qu'on parle de ça. Mais de toute façon, on a le plan B si jamais ça fonctionne pas. Jean-Claude, d'abord, pour commencer, peut-être, comme c'est un vaste territoire, celui qu'on aborde aujourd'hui dans ce livre-là, il en est question, bien entendu. Si on commençait par le début, moi, j'ai un économiste avec moi en studio, c'est fort pratique. De quoi on parle? Parce qu'évidemment, on peut les confondre, hein, évitement, évasion, planification fiscale. Il y a comme plein de façons d'appeler ces choses-là. Si on déblayait le terrain un peu. Bien, peut-être, oui, il y aura plusieurs dimensions. Dans le fond, on parle de la fiscalité, puis on parle des ressources du gouvernement, des revenus gouvernementaux. Et ça, moi, c'est l'angle qui m'intéresse le plus là-dedans. Il reste qu'il y a quelque chose de choquant, là, c'est sûr, et de spectaculaire. Quelque chose d'un peu people, finalement, quand on nomme des personnes. Oui. Puis Mme Alpin disait que, oui, son livre datait un peu, mais il y a beaucoup d'exemples récents. On a eu l'année passée les Panama Papers qui montraient que, je pense, c'est le premier ministre d'Islande. C'était Lionel Messi, une grande vedette de football argentin. Famille de David Cameron, il y avait DSK là-dedans, il y en avait du monde. Il y a eu Gérard Depardieu il y a quelques années qui oui. déménager en Russie, dit-on, pour éviter l'impôt. Donc, on pourrait trouver plein d'exemples people. Ça, ça frappe l'imagination. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le manque à gagner du gouvernement, finalement. C'est un peu bizarre de présenter ça comme ça, mais c'est que tout ça, c'est de l'érosion de l'assiette fiscale, puis de toutes sortes d'assiettes fiscales. Il y a pas seulement le capital, il n'y a pas seulement les investissements qu'on fait à l'étranger dans des paradis fiscaux. Il y a les revenus, évidemment. La semaine dernière, on a fait la distinction entre les revenus puis la richesse. Bien, les deux peuvent bénéficier de trucs, finalement, pour ne pas payer l'impôt qui normalement serait rattaché soit au salaire, soit au revenu, soit à la richesse, soit au capital. Mais également, des manques à gagner sur les activités de tous les jours. C'est ce qu'on appelle le travail au noir, qui est une importante perte de revenus pour les gouvernements. Et ça, on aime bien ça, blâmer Gérard Depardieu ou David Cameron pour leur échappatoire fiscal parce que ce sont des riches, mais il y a bien des citoyens, y compris des citoyens québécois qui trichent l'impôt aussi à des niveaux beaucoup plus modestes, mais quand c'est des millions de personnes qui font ça, bien, ça finit par faire un trou dans les finances publiques. Oui, c'est ça, parce que les images sur les plus riches, c'est plus évident aussi quand quelqu'un, par exemple, va payer 35 millions d'impôts. Bon, on est capable d'imaginer ce qu'on aurait pu s'offrir avec ça. Mais bref, si je reprends rapidement un peu ce que tu as dit, il y a le volet illégal, là, bon, quand on parle de fraude, travail au noir, la contrebande, ce qui est très évident à illustrer, mais il y a quand même du légal, et c'est ça aussi qui est intéressant parce que on parle de ça et forcément on pense presque à criminel, mais c'est pas de ça dont on parle. Tu as parlé tantôt d'immoral parce que c'est légal. L'évitement fiscal, c'est légal. C'est-à-dire, on pourrait le définir comme étant prendre absolument tous les moyens techniques et pratiques pour peu ou pas payer d'impôts. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a des... On en parlera peut-être un peu plus en détail tantôt, mais le Canada puis d'autres pays, tous les pays développés ont conclu des espèces d'accords fiscaux, finalement, qui permettent justement à certains de leurs citoyens, en toute légalité, d'aller placer de l'argent soit aux îles Caïmans, soit au Delaware, soit à différents endroits dans le monde, soit en Suisse, soit au Luxembourg, et d'éviter, dans le fond, de payer pleinement l'impôt, peut-être, auquel il sera assujetti au Québec ou au Canada. C'est légal parce que les lois le permettent, mais c'est un peu immoral, c'est un peu illégitime parce que dans le fond, ça veut dire que on veut bien profiter des services, des infrastructures que le gouvernement défraie dans notre pays d'origine, le Québec ou le Canada en l'occurrence, mais on n'est pas prêt à payer pour ça. On veut en profiter, mais on ne veut pas payer pour ça. Donc, c'est légal, mais à quelque part, c'est comme illégitime. C'est pas illégal, mais c'est illégitime ou c'est immoral. Il y a quelque chose... Et moi, j'aime bien un mot de... je trouve ça... J'aime bien un mot d'un ancien juge à la Cour suprême des États-Unis, le juge Wendell Holmes, qui était très reconnu pour ses mots d'esprit. Puis lui, il disait, dans le fond, la fiscalité, c'est le prix de la civilisation. C'est-à-dire, il faut accepter de payer de l'impôt parce que c'est ça qui permet, dans le fond, que ce soit... agréable de vivre ensemble parce que le gouvernement, grâce aux impôts et aux taxes qu'on paie, met en place une série de services qui font en sorte que c'est vivable, que la société devient vivable. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est dérangeant parce que c'est encore là, on parle depuis même le début de l'émission de payer sa juste part. C'est ça la question. Si chacun paye, il y a personne qui parle de tout ramasser. Si chacun payait sa juste part, on serait même pas en train de discuter de ce sujet-là. Ben tout à fait, parce que il y a toutes sortes d'estimations qui ont été faites là, puis peut-être malgré tout ce qui est, oui, il y a toutes sortes d'estimations qui ont été faites justement parce que c'est très difficile. Puis ça, on comprend pourquoi que c'est difficile, parce que les gens ne se vantent pas de l'argent qu'ils mettent dans les paradis fiscaux, de l'évasion fiscale qu'ils font. C'est difficile d'avoir un montant exact de quelle est l'importance de ces manques à gagner du gouvernement. Mais on sait que c'est de l'ordre de plusieurs milliards, et même y compris pour le gouvernement du Canada. Donc ça fait des trous dans les finances publiques. Puis quand on sait que le gouvernement se débat avec il essaie de ramener le déficit à zéro, le déficit budgétaire à zéro, bon, on est sûr que c'est évident que si il y avait ces quelques milliards qui lui manquent, ben ce serait d'autant plus facile d'y arriver. On va en donner quand même quelques chiffres parce que tu m'as envoyé une liste qui contient là en place on parle de chiffres de 2011. Là, juste pour donner une petite idée, les investissements canadiens dans des paradis fiscaux totalisaient 130 milliards en 2011. Ça donne 53 milliards Barbade, 26 milliards Îles Caïmans. Luxembourg, 14 milliards. Bermude, 13 milliards. Puis on parle de 2011. Là, ça fait que on comprend d'ailleurs qu'on est en pleine effervescence à cet égard-là, parce que de plus ça va, plus les gens investissent d'ailleurs dans des paradis fiscaux parce qu'ils y trouvent leur avantage. Je sais que j'ai des chiffres. Je pourrais justement intervenir là-dessus. David, justement, hier soir, après t'avoir envoyé ces premiers chiffres-là, je lisais un livre plus récent d'Alain Deneau, qui est un autre de ces justiciers qui va s'attaquer au problème de l'évasion fiscale. Alain Deneau lui disait que le chiffre était porté maintenant à 200 milliards d'investissements canadiens dans des paradis fiscaux. Donc, on est passé en seulement 4 ans de 130 milliards à 200 milliards. Donc, c'est un progrès quand même assez... Ce serait logique parce que tu vois aussi les chiffres que j'avais ici. Les investissements des entreprises canadiennes entre 2000 et 2013 ont augmenté de 220% à la Barbade, 704% aux îles Caïmans et c'est vraiment le rapport Godbout qui sort ça, 1809% au Luxembourg. C'est vraiment il y a un choix délibéré. Hein, c'est immense. C'est presque autant que la hausse du salaire du directeur de l'Université Laval. Bref, ça me tentait de la dire. Mais tu disais aussi, et ça c'est intéressant, parce qu'il y a des choses qui s'ajoutent auxquelles on n'avait pas droit avant. Tu t'appelles ça les angles morts, commerce en ligne, etc. Ça rentre un peu dans ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que l'évasion fiscale est peut-être par les riches est peut-être la chose la plus spectaculaire qui choque le plus, mais faut pas oublier qu'il y a bien d'autres façons, il y a bien d'autres sources de revenus fiscaux finalement dont le gouvernement est privé. Puis un de ceux-là, ben c'est à cause de l'évolution justement de l'économie. On en a parlé lors des émissions précédentes. De plus en plus, l'économie tourne autour du numérique, c'est-à-dire de ce qui se fait sur des réseaux électroniques comme sur Internet. Par des sites comme Facebook ou Amazon ou Twitter, etc. Ouais. Donc, et des transactions se font là-dessus. On achète des produits, des services, puis les gouvernements, y compris nos gouvernements québécois et canadiens, ont certaines difficultés à imposer, à aller taxer ces à la fois les détenteurs de capitaux derrière ces nouveaux systèmes-là et également les transactions qui se font sur ces produits-là. Donc, de mémoire, je pense que le gouvernement du Québec, on estimait ça à de l'ordre de 200 millions. Mais ça me semble une sous-estimation, en tout cas, du manque à gagner qu'on avait pour les finances publiques. Oui, parce que par définition, c'est intangible, c'est assez difficile, je présume, à évaluer avec certitude, là, ça c'est clair. Hein? Ben, c'est ça le problème, c'est-à-dire que ce qu'on taxe pas, ce qu'on n'a pas défini, ben ça échappe à au calcul très, très précis. Mais on pourrait même ajouter ce qui est... Puis de plus en plus, c'est des questions qui se posent depuis quelques années. Le rapport Godbout que tu viens de mentionner, une commission d'enquête sur la fiscalité qui a eu lieu il y a quelques années, le mentionnait, c'est-à-dire que au Québec et au Canada, on a tout le phénomène des crédits et déductions fiscales. Il y en a toute une panoplie, il y en a peut-être des centaines finalement qui s'appliquent à la fois aux individus, aux citoyens, aux ménages et aux entreprises. Et ça aussi, ça coûte cher au gouvernement. Les gouvernements, dans leur jargon, les ministres des Finances appellent ça des dépenses fiscales. C'est une drôle de façon d'appeler les choses, mais ça veut dire ce qu'on ne gagne pas, ce qu'on ne peut pas collecter en impôts et en taxes, parce que des individus, des ménages ou des entreprises bénéficient de crédits d'impôts ou de déductions fiscales. Et ça, c'est de l'ordre de plusieurs milliards. Là, j'avais des chiffres là-dessus. Et curieusement, là, ça touche pas... Encore une fois, ça touche pas seulement les entreprises, mais également les individus. Des chiffres. En 2015, c'est un rapport qui vient du ministre des Finances du Québec, du ministère des Finances du Québec, c'est 27 milliards que ces crédits et ces déductions représentaient en perte. Ce qu'eux appellent les dépenses fiscales. Puis tout ça pour relativiser les choses, pour dire que tout n'est pas toujours du côté des mauvaises entreprises. Bien, il y en avait les deux tiers là-dedans qui étaient des crédits alloués aux individus et aux ménages et aux familles, et l'autre tiers à des entreprises. Maintenant, Jean-Claude, on va parler un peu des revenir sur les effets, hein, parce que évidemment, là, on a parlé, on a essayé de brosser le tableau. Vous voyez que c'est très large, qu'il y en a du chiffre là-dedans. Mais les effets, ils sont importants. Tu as parlé de manque à gagner du gouvernement, dans le monde d'ailleurs aussi. D'ailleurs, ça doit être tellement compliqué à évaluer, mais il y a des chiffres avancés à tout le moins. On parle de plusieurs dizaines de milliers de milliards. Oui, effectivement. Il y a parmi les estimations, parmi les organismes qui se sont penchés là-dessus, il y en a un qui s'appelle, c'est le Tax Justice Network, là. Et Alain Deneau en fait partie, d'ailleurs. Puis on a francisé l'appellation par le réseau pour la justice fiscale. Ils se définissent comme des justiciers. Je trouve ça intéressant comme approche, comme qualificatif. Et eux, le réseau pour la justice fiscale a évalué que dans le monde, là, c'était il y a quelques années. Par contre, c'était en 2011, je crois. L'estimation, c'est entre 21 et 31 billions en français, puis des billions, c'est des milliers de milliards. Donc, ça veut dire peut-être que ça pourrait aller jusqu'à une trentaine de milliers de milliards et qui sont de dollars qui sont dans des paradis fiscaux. C'est, pour vous donner une idée, là, c'est l'équivalent du PIB des États-Unis et du Japon ensemble. Donc, c'est pas des petites sommes. C'est des moyens. C'est assez important. Puis peut-être, dans le fond, à peu près The Economist, une revue que j'aime beaucoup, un magazine que j'aime beaucoup, lui, dans un article de septembre 2014, estimait, lui, que c'était environ le quart de l'impôt sur le profit des corporations qui n'était pas payé, qui échappait ainsi aux revenus des pays. Le quart des profits qui devraient être normalement taxés. C'est ça. Donc, les compagnies s'en tirent là, avec une espèce d'exemption qui s'accorde de 25% de l'impôt qu'ils devraient normalement payer à leur gouvernement respectif. Quant au Canada, ce taux, selon le réseau de la justice fiscale, le Canada perdrait, ça pourrait aller jusqu'à 80 milliards par année en évasion fiscale, selon une estimation de 2011. Mais d'autres estimations sont plus modestes, et c'est pour vous montrer comment on nage un peu dans l'incertitude là-dessus. Il y en a, par contre, ça vient par contre de Statistique Canada. Statistique Canada est plus prudent. Peut-être aussi qu'ils ont reçu des directives de ne pas alarmer le monde inutilement. Eux, ce serait plutôt entre 5 et 8 milliards que le gouvernement perdrait. Le gouvernement fédéral, dans ce cas-là, perdrait en évasion fiscale. Donc, vous voyez, on est quand même dans des spectres assez larges. Là. C'est quelque part entre 8 milliards et 80 milliards que le Canada perdrait. Donc, on est dans le flou. Mais reste que même si c'était seulement 8 milliards, c'est loin d'être négligeable parce que tout gouvernement aurait bien besoin de cette manne-là. Bien, effectivement, quand on pense à l'éducation, par exemple, c'est un budget, je pense, de 9 ou 10 milliards, le budget de l'éducation au Québec. Vous comprenez, là, c'est l'éducation au complet qu'on est capable de gérer avec 8 ou 9 milliards. Donc, ça change quelque chose concrètement parce que c'est ça aussi, c'est des ressources mal utilisées ou non utilisées à des fins qui sont productives au lieu que ce soit ailleurs à servir à pas grand-chose, en tout cas pas d'utile. Ben c'est ça. Mais moi, je vois que c'est un autre aspect. On vient de regarder un peu l'aspect budgétaire, l'aspect comptable pour le gouvernement, mais il y a aussi un aspect d'efficacité économique. C'est-à-dire, si on se rappelle ce qu'on disait avec au sujet d'Adam Smith puis du libéralisme, la main invisible, il y a quelques semaines, toute la logique du système économique repose sur le fait qu'on n'a pas d'entrave, c'est-à-dire qu'on laisse les individus, les entreprises prendre des décisions en fonction de qu'est-ce qui est le plus logique en termes d'utilisation des ressources. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on introduit une espèce de biais dans la bonne utilisation des ressources. On incite les entreprises à aller placer de l'argent aux Bermudes ou à la Barbade ou à l'île Jersey, alors que normalement, il sera probablement plus logique dans la majorité des cas d'investir plutôt dans leur pays d'origine. Effectivement. Et ça a un effet sur la concurrence et effet de la concurrence aussi. L'idée, c'est que dans ce cas-là, c'est que les entreprises vont se défendre puis ils n'ont pas tout à fait tort en disant « Si moi, je le fais pas, mais mes concurrents le font, ouais. Je deviens moins compétitif. » Puis être moins compétitif, ça peut vouloir dire à la limite que je fais faillite. Donc, il y a comme en même temps, c'est un peu l'effet pervers de tout ça, c'est que une fois qu'il y en a qui commencent à profiter de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux, ben les autres sont un peu obligés de suivre jusqu'à un certain point. Prenons le cas des banques canadiennes qui sont réputées là, pour leur grande présence dans les paradis fiscaux des Caraïbes. Bien, s'il y en a une qui le fait, si la Banque Royale le fait, bien, la banque TD ou la banque Scotia est presque obligée de suivre parce que sinon, elle va devenir moins rentable et elle va verser moins de dividendes à ses actionnaires. Ses titres vont baisser, etc., etc. C'est pas de ma faute, M. le juge. Je suis une crapule. Tout le monde est crapule. C'est ça, hein? Ah, c'est triste. Mais on va parler de solutions dans quelques instants quand même. C'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1. C'est David Lemelin au micro et l'économiste Jean-Claude Cloutier qui m'accompagne. Deuxième donc et dernière partie de l'entrevue réalisée avec Brigitte Alpin. Dans son livre, elle parle du gouvernement qui est au banc des accusés. Hein? On fait une petite blague avant la pause, effectivement, c'était dans ce ton-là. Parce qu'il y a, sinon de la complicité, de la complaisance. Alors, on voudrait que ça change, mais la fiscalité, bien entendu, c'est pas si simple. Et si c'était simple, on l'aurait fait, comme le dit la publicité. Mais le Québec peut pas faire ça seul. Évidemment, il faut que les pays embarquent. Et vous verrez que malgré tout, la fiscaliste reste positive pour l'avenir, malgré là, les défis qui nous attendent. Poser des questions qui sont importantes et il me semble que on est dans la morale finalement. On est dans les questions morales quand vous dites entre autres que le gouvernement est au banc des accusés. On peut se poser la question, est-ce qu'il est juste pas assez rapide pour suivre les sociétés ou encore il n'y a pas un peu de complicité là-dedans, il n'y a pas un peu de changement un peu trop lent parce que, encore là, j'avais une entrevue il y a quelques semaines avec Marois Risky qui disait ben, les lois, on peut les changer, hein. Oui, on peut changer les lois, sauf que au niveau de la fiscalité, par exemple, au Québec, moi aussi, hein, je veux dire, le 15 ans, on peut changer les lois. C'est bien certain qu'on peut les changer les lois. Mais est-ce que on devrait, par exemple, est-ce que le Québec, par exemple, devrait faire cavalier seul et changer ses lois en regard des multinationales, de la juste imposition des multinationales? Est-ce que le Québec, est-ce que c'est un bon conseil à donner? Par exemple, moi, j'ai eu à conseiller le président de la Commission des finances publiques sur l'initiative des paradis fiscaux. Est-ce que ça aurait été un bon conseil à donner? Je pense que la façon, il est possible d'amener les pays à agir ensemble et je veux me donner la chance et de réunir des gens et de travailler au niveau international avec des gens pour que non seulement le Québec change ses lois, mais que les autres juridictions changent également leurs lois de manière concurrente. Comme ça, ça va aider le Québec, ça va aider les Québécois, et ça va pas, ça va être une tendance qui va être mondiale. Si le Québec fait cavalier seul, ça, malheureusement, l'économie fait en sorte et les grandes tendances font en sorte que on pourrait ne pas céder, même si on le veut, on pourrait ne pas céder. On comprend que de la façon que l'économie est faite, si on était seul à lutter, donc on notre économie fait diminuer, on perdrait, on serait moins fort. C'est ça que je comprends. Ben c'est bien évident. Moi je pense que si on n'était pas capable, personne d'entre nous sur la Terre, on était capable de réunir des gens puis de faire en sorte qu'on a des changements internationaux, ben là, on pourrait se poser la question, ben à ce moment-là, on va faire cavalier seul. Mais étant donné qu'il y en a des personnes qui sont capables, qui ont cette capacité-là de réunir, de convaincre, de persuader au niveau international, ben il faut prendre ces personnes-là, puis il faut dire, va faire une croisade, puis essaie au niveau international de changer les choses, et concurremment, assure-toi qu'au niveau québécois, on avance en même temps, parce qu'on veut pas prendre du retard, on veut même prendre de l'avance, mais on peut pas et on ne veut pas faire cavalier seul. C'est un peu comme dans la publicité, si c'était simple, on l'aurait déjà fait, parce que de toute façon, on sait en plus que les sociétés et les gens qui n'ont pas envie de payer d'impôts se payent les meilleurs à gros prix, justement, pour pouvoir éviter de payer de l'impôt. Donc, autrement dit, les efforts que même ceux qui veulent renverser la machine doivent mettre, ils manquent. C'est ça que je comprends. Et aussi, je vous dirais qu'il y a beaucoup de personnes au pouvoir, au niveau politique, qui comprennent pas tout à fait le système. C'est spécial à dire, hein? On pense que, par exemple, un ministre des Finances comprend bien la dynamique fiscale mondiale, les grands enjeux. Et je vous dirais, comme par exemple, moi, je serais très surprise que M. Trump comprend tout, là. Je suis prêt à le gager. Moi, je suis prêt à le gager. Donc, puis probablement que vous et moi non plus, on ne comprend pas tout, là, mais yes. Je veux dire, c'est très, très surprise que M. Trump comprend tous les enjeux. Tous les enjeux au niveau de la fiscalité mondiale, puis l'imposition des contribuables internationaux au 21e siècle, puis comment va se faire la transition entre aujourd'hui puis une imposition optimale au 21e siècle. Ce n'est qu'une mince catégorie de personnes sur la place publique qui parlent de fiscalité, qui comprennent vraiment tous les enjeux. Comme par exemple, dans le chapitre dans l'État du Québec, je parle de l'utilisation de la Constitution. C'est spécial que personne n'en a réellement parlé de ça, de l'utilisation de la Constitution pour coincer les contribuables qui ne paient pas leur juste part d'impôt. Oui, c'est ça que vous dites vraiment qu'on peut, avec la Constitution, dans le fond, rendre cette chose-là incontournable, si on veut. C'est une obligation constitutionnelle de payer sa part. Ben oui, parce que, comme vous le savez, on dit souvent, par exemple, en France, on disait, on prenait un contribuable, un multinational ou un contribuable, ou en Italie, on a entendu des histoires de contribuables qui ne paient pas leur juste part d'impôt dans ces juridictions-là, et on disait, ben c'est légal, qu'est-ce que tu veux faire, c'est légal. Mais c'est légal, c'est pas moral, mais la moralité, on peut pas coincer quelqu'un en ce moment avec la moralité, mais on peut coincer quelqu'un avec la légalité. Mais on disait, c'est légal en vertu des lois fiscales, mais c'est pas moral. Mais après ça, on arrête pas. Tout le monde arrêtait là. J'ai lu des centaines d'articles qui reprenaient ces termes-là, puis les gens s'arrêtaient dans leur réflexion. Mais si on va plus loin dans la réflexion que j'ai eue à faire cette réflexion-là, parce qu'on j'ai écrit un chapitre avec le ministre des Finances de la France dans un livre, le livre Winning the Tax Wars, donc si on va plus loin dans cette réflexion-là, bon, effectivement, c'est légal en vertu des lois fiscales, mais si on regarde la Constitution, qui est la loi, dans le fond, qui est en haut des lois fiscales, comme on le sait, et il y a certains pays qui, dans leur Constitution, c'est inscrit que l'impôt doit être établi en fonction de la capacité de payer des contribuables. Mmh. Donc, si les lois fiscales permettent à un contribuable de payer peu ou pas, à un milliardaire de payer peu ou pas d'impôts, et que c'est légal, dans certains pays, la Constitution empêche de procéder de cette manière-là. Je pense que le Québec et le Canada peuvent jouer un rôle important dans la modernisation mondiale des régimes d'imposition. Et je pense que, moi, je vois la façon que les choses s'enlignent. On a beaucoup de grands experts. Je vois un leadership fiscal important qui émerge du Québec, du Canada. Et j'ai beaucoup confiance à ce que nous, au niveau national, on peut contribuer à toute cette démarche-là. Bon, on sent beaucoup de confiance quand même, malgré le défi, comme on le disait. Maintenant, Jean-Claude, ça a été évoqué, on l'a dit à quelques reprises depuis le début, il y a une partie importante qui réside dans la concertation. Si on décide de faire ça tout seul dans notre cours à part nuire à notre compétitivité, si on veut, on n'y arrivera pas, là. Bien, Mme Alpin l'a évoqué, je pense qu'une grande difficulté, c'est pas uniquement dans ce dossier-là, mais dans d'autres grands dossiers d'envergure mondiale, c'est qu'il faut se rappeler qu'il y a plus de 200 pays qui existent dans le monde, puis dès qu'il y en a un qui décide de ne pas collaborer, ben ça va mal, parce que il peut servir à l'hébergement, finalement, de délinquants fiscaux, comme on l'a vu. Alors, c'est ça le problème. Comment réussir à concerter l'ensemble des pays? Moi, ça me semble une très grande difficulté. Mais si les grands pays s'y mettaient, probablement si les États-Unis embarquaient là-dedans, les pays d'Europe, la Chine, le Japon, probablement que ce serait faisable. Est-ce que ça peut se faire d'ici quelques années? Peut-être. Il y a des initiatives. Il faut souligner quand même les initiatives intéressante de la part de l'ONU et de la part de l'OCDE au cours des dernières années. Ils ont mis en place des groupes qui ont produit des choses intéressantes. Mais même là, je peux pas faire autrement qu'être un petit peu sceptique parce que je regardais justement le comité d'experts de la coopération internationale en matière fiscale de l'ONU qui a été mis en place il y a quelques années. Ils ont fait une espèce de classement des pays selon qui sont corrects au point de vue fiscal, s'ils mettent en place les bonnes mesures. Et le Canada était classé tout à fait conforme, de même que le Royaume-Uni et les États-Unis. Je trouve ça un peu... Si on considère que le Canada a vraiment aucun problème puis qu'il est impeccable au point de vue de la gestion de la fiscalité, ben là, on fera pas grand changement. Là. On risque pas d'émouvoir beaucoup le ministre des Finances de changer drastiquement les choses si on se fait dire ça. Ben, c'est-à-dire, dans ce classement-là, moi, ce qui m'a un peu étonné, peut-être qu'ils sont trop prudents là, ou trop polis, mais je pense qu'il y avait seulement que le Panama qui était blâmé comme étant vraiment un délinquant au point de vue de la gestion de la fiscalité. D'autres pays recevaient des notes comme, bon, partiellement conformes. Là, finalement, ça revient à dire, bien, c'est passable. C'est à peu près correct. C'est. Fait que là, je trouve que ça ne met pas une grande pression sur les élus, effectivement, pour changer les choses. Bon, peut-être que malgré tout que la pression populaire et le travail des justiciers, donc comme je parlais tantôt, comme le Tax Justice Network, oui. Bien, ça finit. Je pense que les politiciens réagissent beaucoup à ça. Là, dans d'autres domaines comme l'environnement ou comme Amnesty International, par exemple, je pense que ces groupes-là peuvent faire pression puis éventuellement amener des changements. En tout cas, il faut l'espérer. Il y a des pistes avancées aussi parce que, évidemment, ce qu'on appelle le secret bancaire, donc savoir ce qui est dissimulé, c'est une des clés de voûte, carrément, de savoir de quoi on parle. On parle d'entente internationale contre le secret bancaire. On pourrait faire des choses comme ça, et une mise en quarantaine des paradis fiscaux. Effectivement, quand on y pense, on se dit, mais pourquoi on ne met pas, regarde, terminé, fini. Ben exactement, oui. Et d'ailleurs, c'est une des recommandations qui a été faite récemment là, à la suite de la révélation des Panama Papers. L'été passé, Joseph Stiglitz, dont on entend souvent parler oui. à cette radio ici, parce que c'est quand même un prix Nobel d'économie qui a des visions quand même assez progressistes. Lui a fait un rapport qui a été divulgué il y a quelques semaines, au mois de novembre. Puis c'est parmi ces recommandations-là. Les recommandations de Stiglitz, qui s'était faites avec un collègue, Mark Peet, lui, il disait qu'il faudrait déclarer illégal pour les citoyens et les entreprises d'avoir un compte dans un paradis fiscal. Ça rejoint un peu ce que disait Mme Alpin. Si on respectait intégralement la philosophie juridique des pays, la constitution des pays, on devrait déclarer illégal. On devrait avoir le courage de déclarer illégal parce que c'est immoral, entre autres, ces comptes un peu fictifs dans des paradis fiscaux. Tout comme devrait être déclaré illégal d'être actionnaire ou administrateur d'une société basée dans ces endroits. Tout comme devrait être interdit aux banques de faire affaire avec les institutions de ces pays, de ces paradis fiscaux-là. C'est donc Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui fait ces recommandations-là. Et c'est d'autant plus intéressant parce que quand on vit des périodes qui reviennent cycliques d'austérité, quand on voit les gouvernements presque gratter les fonds de tiroir en disant « fais pitié, c'est tellement difficile », ben c'est parce que tu as une solution. Je peux pas dire évidente parce que ça ne l'est pas. Si ça l'était, probablement que ça aurait été fait. Mais c'est une solution importante qui est quand même là. Puis on n'y plonge pas, là. Je pense que je peux pas croire que les politiciens sont pas sensibles à ça, mais pour une raison qu'on ne peut que soupçonner, là, ils tardent à prendre des décisions là-dessus. C'est ce qui est un peu décevant, mais il reste quand même des bons exemples. Je vais vous mentionner deux exemples là, qui sont survenus dans l'actualité des deux ou trois dernières années. L'Union européenne, par exemple, qui a mis à l'amende l'Irlande en lui disant les rabais fiscaux que vous donnez aux grandes compagnies internationales comme Google, ou Microsoft ou Apple, c'est pas correct. Vous devez rembourser ces avantages. Vous devez prélever, c'est-à-dire ces avantages fiscaux-là auprès des compagnies. Les compagnies doivent rembourser les crédits que vous leur avez donnés. L'exemple aussi qui est moins connu de la Grande-Bretagne, qui en 2014 impose une taxe de 25% à Google. Ça répond au problème que je mentionnais tantôt, c'est-à-dire qu'avec l'économie numérique, avec les grands réseaux sur Internet, les gouvernements sont privés de taxes, de pouvoir collecter des taxes sur des choses importantes, des transactions de plus en plus importantes. Donc, le Royaume-Uni lui semble avoir pris une initiative intéressante et qui pourrait être imitée par d'autres pays. Puis en terminant ces points-là sur ce qu'on peut en faire, ajustement des systèmes fiscaux, c'est-à-dire on peut regarder aussi ce qu'on peut faire par chez nous, resserrer un peu, il y a moins de trous dans le filet. Ben, c'est un peu, par exemple, donner suite aux recommandations de M. Stiglitz qu'on mentionnait tantôt, ça pourrait être fait par la loi, mais également durcir les peines, c'est-à-dire assurer les compagnies que s'ils sont pris comme en faute, ben, il y auront des amendes ou des sanctions assez sévères. Et augmenter les effectifs, parce que c'est sûr que ça prend aussi des gens pour pouvoir faire le travail. Oui, puis d'ailleurs, je pense que c'est Alain Deneau, dans son dernier livre, qui mentionnait, on l'a peut-être un peu oublié, mais sous M. Harper, même le gouvernement de M. Harper au fédéral, on a réduit les effectifs de l'Agence de revenus du Canada. Donc, si on enlève le nombre de contrôleurs, bien, c'est bien sûr que ça va être plus difficile de repérer les délinquants. C'est une conséquence directe, mais c'est un hasard, sans doute. Un hasard. Chez Hochelaga Pizza, c'est l'heure du midi. La classe ouvrière est là, dis-moi que c'est quali. C'est-tu le petit livre rouge de Mao, les trois tomes du Capital? Bien sûr que non, c'est plutôt le Journal de Montréal. Le guide du prolétariat, n'en déplaise aux intellos. Ouais, ça s'appelle Pelado, ça. À travers donc la lecture de ce livre, on parle aussi des super fraudeurs, de ceux qui ne sont pas seulement habiles avec les lois de l'impôt, mais qui s'en moquent aussi carrément. On parle entre autres de Sinard, par exemple, qui faisait dans la falsification de renseignements, utilisait des prête-noms, des choses comme ça. On parle aussi au passage des organisations religieuses, des sectes, qui se spécialisent dans une charité très intéressée, pas par bonté, mais par envie d'échapper au fisc, bien sûr. On parle de contrebande. Et puis l'auteur aborde les incontournables paradis fiscaux dont on parle depuis le début de l'émission, dont, oui, les sympathiques manœuvres de Paul Martin, ministre des Finances, qui fait voter des lois qui l'arrangent, comme ça, par hasard, et qui se concentre sur la Barbade, qu'il apprécie beaucoup. On parle de ceux qui essaient tant bien que mal de changer les choses, l'OCDE pour tenter effectivement de rendre moins opaque ce chaleureux milieu, en faisant en sorte qu'il y ait circulation d'informations concernant les paradis fiscaux. L'OCDE a d'ailleurs produit une liste noire des pays qui ne collaborent pas avec elle, tout en précisant que la portée de l'OCDE, ben, c'est au final assez mince. Hein. Et puis, on s'intéresse, oui, à ces multinationales qui aiment beaucoup reporter leur impôt. Hein. Cogeco, Astral, Québécois, Alcan, Molson, Saputo. Donc, de l'impôt reporté qui, bien souvent, n'est jamais payé, finalement. Alors, en guise de conclusion à cette excursion dans le monde enchevêtré de la fiscalité des riches, l'auteur nous écrit ce qui suit. Alors, je vais aller à la conclusion. Notre système fiscal est manifestement inéquitable et injuste parce qu'il permet un traitement favorable à certains riches qui réussissent trop souvent à ne pas payer leur juste part d'impôts. Vous avez pu constater que les cas cités dans ce livre ont creusé un trou dans les recettes fiscales de plusieurs milliards de dollars durant les dernières années. Je constate plus que jamais qu'un grand ménage s'impose. Je dois toutefois admettre, et vous ne serez pas surpris de l'apprendre, que je me questionne sérieusement sur la capacité de nos gouvernements d'entreprendre une telle tâche. En terminant la rédaction de ce livre, je constate que je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Si j'avais eu accès aux dossiers d'État, si j'avais obtenu des réponses à mes questions soumises aux autorités fiscales à l'intérieur d'un délai raisonnable et que j'avais été supporté par une équipe de recherchistes, j'imagine que j'aurais rédigé 10 tomes sur le sujet. Je pressens néanmoins que la publication de ce livre ne laissera personne indifférent. Et ce qui suit, c'est intéressant. Des journalistes, des gens d'affaires et bien d'autres à qui j'ai soumis certains extraits attendent sa publication avec impatience, mais rares sont ceux qui veulent s'y associer. Ils me félicitent de mon courage et soulignent la pertinence de l'ouvrage, mais ils le font en secret. Le sujet et surtout son traitement dérange des intérêts importants. J'espère que ce livre n'est que le début d'une époque où, lorsque l'on vous parlera d'impôts, on parlera votre langage et on s'assurera que vous comprenez les enjeux, parce qu'après tout, c'est de votre argent qu'il s'agit. Pour ma part, j'ai bien l'intention de poursuivre ma démarche. Alors, c'était donc une vérité qui dérange. Hein? C'est ça, qui fait peur aussi. Et que oui. Tant et si bien que 13 ans plus tard, est-ce que les choses sont vraiment mieux? Est-ce que les gens se sont révoltés? Pas vraiment. Where's the revolution, comme on dit? you've been pushed red. You've been lied to. You've been fed truth. Ah oui, ah oui. Donc maintenant, Jean-Claude, on va poursuivre avec cette petite nouvelle. On va essayer ça va devenir une tradition quand ça fera quelques semaines. Mais chiffre du jour ou chiffre de la semaine, tiens, on va parler d'exode des cerveaux, chose dont on parle pas souvent et qui concerne notamment l'immigration. Oui, oui, c'est un lien. Oui, c'est par définition, c'est un lien avec l'immigration, mais ça, c'est une dimension auquel on pense peut-être pas suffisamment souvent. En fait, je m'inspire toujours d'un petit livre, d'un petit précis de statistiques diverses publié par le magazine The Economist en 2016, donc une édition assez récente. Et là, on a établi, je sais pas qui a établi la liste, mais c'est une liste d'un certain classement qui se fait à partir, on donne un score finalement aux différents pays sur jusqu'à quel point sont victimes d'exode des cerveaux, c'est-à-dire des immigrés qualifiés, détenteurs d'un diplôme et qui s'en vont dans un autre pays. Alors, celui qui arrive en tête, celui qui est le plus victime d'exode de ses cerveaux, c'est le Myanmar, un pays donc d'Asie du Sud-Est. Le deuxième, c'est la Bulgarie. Le troisième, la Serbie. Le quatrième, le Venezuela. Et cinquième, Moldavie, je crois, en français. Oui. Donc, vous voyez, ce sont tous des pays quand même relativement peu connus, relativement plus obscurs, ce ne sont pas des grands pays développés. Et ce qui est intéressant, c'est de contraster ça avec ceux qui sont le moins victimes d'exode des cerveaux. Donc là où les diplômés restent, celui qui arrive en tête de liste, c'est la Suisse. Et on comprend pourquoi, c'est un paradis fiscal. C'est un paradis fiscal, j'allais le dire. Où les gens sont bien, c'est ça, des hauts revenus. Le deuxième, c'est le Qatar, qui est peut-être pas un paradis fiscal, mais où les revenus sont très élevés encore. Là. Troisième, les États-Unis. Quatrième, la Finlande, qui est réputée pour sa grande qualité de vie, et la Norvège. Donc, on voit un peu le contraste. Et c'est un des aspects, moi, je trouve un peu tragique de l'immigration. Et on encourage ça dans nos politiques, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens formés des pays qui en auraient grand besoin, des pays en voie de développement. On les amène à des pays développés pour contribuer encore davantage à la richesse des pays développés. Effectivement. Donc, on voilà pour ce point-là. Maintenant, si on s'intéresse quelques instants à l'actualité, c'est drôle parce qu'il y a des nouvelles qui sont pas tout à fait en contraste. Emploi en janvier, que de bonnes nouvelles. Bien difficile de trouver de mauvaises nouvelles dans les chiffres sur l'emploi divulgués vendredi par Statistique Canada. Au Canada, donc, création de 48 300 emplois en janvier. Taux de chômage passe de 6,9 à 6,8. Au Québec, 3400 de plus, avec un taux de chômage qui chute de 0,3 pour s'établir à 6,2. Il y a beaucoup d'emplois temps partiel là-dedans, mais quand même, ça reste de la bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Moi, honnêtement, là, je ne pensais pas de connaître ça de mon vivant, parce que depuis, j'ai travaillé longtemps, comme on a déjà dit au gouvernement du Québec, dans des postes d'économique, et c'était toujours le Québec qui est au-dessus de la moyenne canadienne, au-dessus de l'Ontario, en termes de chômage. Et là, vraiment, là, on est rendu même... La nouvelle la plus extraordinaire dans cette dernière publication sur le chômage, c'est que Montréal a maintenant un taux de chômage inférieur au Grand Toronto. Ça c'est aussi, c'est vraiment un revirement extraordinaire, parce que traditionnellement, Montréal était toujours à la traîne, finalement, et au sein du Québec, et par rapport à sa grande rivale qui est Toronto. Et Québec est à 4,3, ça c'est du plein emploi? C'est pratiquement du plein emploi, là. Ça peut être curieux de prendre ça comme ça, mais pour les économistes, quand tu es rendu autour de 4%, là, ça veut dire que c'est pratiquement le maximum qu'on peut atteindre, le mieux qu'on peut atteindre, finalement. Et rapidement, je voulais quand même t'amener sur cette nouvelle-là, parce que je trouvais que c'était un beau contraste. 70% des entreprises québécoises qui ont de la difficulté à recruter. Donc, on dit qu'ils se créent de l'emploi, mais en même temps, les entreprises ont de la misère à recruter. Ben, tu sais, c'est un peu le côté pile et le côté face de la même chose. C'est que c'est justement parce qu'il y a de moins en moins de personnes en recherche d'emploi que les entreprises ont de la difficulté à recruter. Et d'ailleurs, c'est rendu, on sait que pendant des années, le Québec, tout le monde au Québec, y compris les gouvernements, les entrepreneurs, plaidaient pour la création d'emplois. Maintenant, c'est plutôt le contraire. On est à la recherche de gens pour occuper des postes. Oui, parce qu'on fait aussi le pendant avec l'universitaire. On dit on met beaucoup d'accent sur former des gens, encourager les gens à passer par l'université, par le secteur universitaire. Et en même temps, il y a le besoin de répondre à ce que l'industrie ou le milieu économique produit pour créer de l'emploi, finalement. Donc, la corrélation, des fois, c'est un équilibre qui n'est pas évident, là. Ben, les milieux d'affaires. Puis d'ailleurs, la Chambre de commerce, je crois que c'était la Chambre de commerce de Montréal qui, cette semaine, a sorti un rapport justement en prévision du Forum sur l'emploi qui aurait eu lieu la semaine prochaine et qui mise beaucoup justement sur le, à trouver un meilleur appariement entre les besoins en entreprise et la formation. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Merci. Alors, c'est riche qui ne paie pas d'impôts de Brigitte Alpin, ça date de 2004. Peut-être vous allez tomber dessus à la bibliothèque, par exemple, ou au comptoir du livre. Je ne sais pas si en librairie, c'est très évident à trouver. Quand même un outil intéressant, facile à comprendre pour qui veut mettre son nez là où il n'a pas d'affaires. Alors, c'est déjà tout pour nous. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant dans un format particulier, si j'ai bien compris. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. Merci beaucoup, Jean-Claude. Très apprécié. J'attendais que tu prennes ta gorgée pour te dire merci. Merci. Merci. Bonne semaine à tout le monde.